Champs-Élysées vous invite à présent à découvrir la Corrèze. Nous sommes aux portes du Midi, à Brive-la-Gaillarde, une cité du sud-ouest qui compte 50 000 habitants. Une petite ville charmante, accueillante, riche de son patrimoine, située sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La collégiale Saint-Martin, la tour des Échevins, la place de l'Hôtel de Ville sont autant de curiosités historiques et touristiques de Brive. Nadine Foutrier est allée sur place et l'une des premières questions de son reportage portait sur l'origine du nom de la commune. Brive déjà est une vieille ville construite dans une vallée et Brive était un nom qui vient du celte Briva qui voulait dire pont. Et la Gaillarde a été rajoutée par la suite. Il paraîtrait que Brive, de par sa position géographique, n'a jamais pu être envahie par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans et avait été surnommée la Gaillarde. D'où le nom d'après Brive-la-Gaillarde. Nadine Foutrier a donc rencontré au cœur de Brive, sur la place du célèbre marché aux bestiaux, un personnage pittoresque corrézien, Michel. Avec son accent typique de la région du sud-ouest, il nous raconte sa naissance dans un endroit insolite de la ville. Mon père avait un café-restaurant sur la place du Champ de Fort à Brive-la-Gaillarde. Et moi, je suis né un jour de foire, de bestiaux, dans le bistrot de mon père, qui était un bistrot traditionnel de campagne, car sur la place du Champ de Foire à Brive, qui était le centre d'activité commerciale où il se passait tout, ça veut dire les foires des bestiaux, les foires du marché aux primeurs, aux fruits, aux foires grasses, des foie gras, des truffes. Lorsqu'il y avait une manifestation, ça veut dire le passage d'un cirque, c'était sur cette place. Tous les ans, au mois de juin, il y avait des fêtes foraines. Lorsqu'il y avait une activité quelconque, un chapiteau, des élucubrations, ça se passait sur cette place. Et cette place était remplie de commerces et de bistrots. Et mon père avait un bistrot sur cette place. On parlait de la foire aux bestiaux. Lorsqu'il y a le salon de l'agriculture à Paris, on connaît la marque, entre guillemets, des bêtes qui viennent de là-bas, puisque c'est la Limousine. Et le président de la République est très attaché. Lorsqu'il va au salon de l'agriculture à Paris pour aller saluer les Limousines, vous m'avez dit que c'était l'une des meilleures viandes françaises. Pourquoi l'une des meilleures viandes ? C'est une des meilleures viandes parce que c'est la viande de ma région et que je suis chauvin. Mais c'était une bonne viande de par la race de la bête qui était adaptée d'abord au climat, qui est doux, qui était nourrie par de l'herbe qui pousse par une terre riche, argilo-calcaire, et l'herbe est très grasse. Donc la bête, en mangeant une bonne herbe, comme un individu que l'on nourrit bien, on va bien le faire pousser. Et la race était charpentée, longue de colonne vertébrale, avec des cuisses énormes, d'où l'on tire la viande rouge dans les cuisses des bêtes, dans les flancs. Et le président de la République est assez attaché à cette région parce que son grand-père avait atterri dans la région de Brive, dans un village qui s'appelle Sainte-Féréole. Il avait été instituteur dans cette école, après il avait été muté plus loin, et le président Chirac allait en vacances scolaires chez son grand-père à Sainte-Féréole, qui est un petit village situé à 15 km de Brive, d'où est issu mon père. Je voudrais qu'on revienne à cette foire aux bestiaux, parce que dans votre région, oui, il y a la Limousine, mais il y a aussi le foie gras. Le foie gras. Alors, je sais que le foie gras, on gave les oies, mais il y a un marché particulier au moment de l'hiver. Au moment de l'hiver, à Brive, ils ont créé justement pour pouvoir faire commercialiser ces foie gras et les bêtes qui sont les oies et les canards, des foires appelées grasses. Donc, les agriculteurs qui produisent des canards et des oies qu'ils ont élevés pour produire du foie gras, ça veut dire pour les engraisser, viennent pendant ces jours de marché vendre leurs produits sur la place. Donc ce sont des produits tout à fait naturels, élevés par les gens à la main, avec amour, pour que cela fasse de belles bêtes et de la bonne nourriture. Le sud-ouest de la France est donc synonyme de cuisine du terroir particulièrement savoureuse. Magret de canard, cassoulet, foie gras, mais aussi truffes. Michel nous en parle. L'agriculteur qui produit les truffes, c'est surtout les agriculteurs du bord du Lot, car c'est une région assez rocailleuse où il y a des chênes truffiers. Ces truffes sont toujours trouvées ou par des cochons, parce qu'ils ont un flair énorme, ou par des chiens truffiers dressés par les paysans. Les paysans, on les voit toujours avec un béret. Il y a une explication dans cette région d'avoir le béret constamment ? Ben, vous savez, c'est assez spécial à la France, parce que n'importe quel dessinateur humoristique qui décrit un Français, il a un béret, des moustaches, un litre de rouge, une baguette. Mais le béret était que les gens ne sortaient pas tête nue. Donc dans le temps, les gens bourgeois étaient chapeautés, les femmes étaient chapeautées, et les gens des pays ruraux avaient un béret ou une casquette, parce qu'on ne pouvait pas travailler. Et encore, certains paysans avaient des chapeaux, ils avaient des chapeaux noirs. Dans le Cantal, les gens avaient le chapeau noir. Mais après, le couvre-chef s'est développé en venant des pays basques avec le béret. Comme toute région française qui se respectent, la Corrèze produit l'un des fromages fameux du sud-ouest, le cabécou. Le cabécou est un fromage fait avec du lait de chèvre. L'appellation cabécou vient du mot patois, le patois étant un dérivatif du Languedoc, la cabre, la tsabre, la cabre, d'où le fromage cabécou. Vous venez de me parler à l'instant, Michel, d'un mot important qui est le patois. On parle encore patois à Brive ? À Brive, non, je ne pense pas. Mais les gens des campagnes environnantes de Brive parlent encore le patois. Et vous allez sur la place du marché à Brive, un matin de marché où les paysans amènent leurs produits à vendre pour faire de la recette, pour pouvoir vivre, ils parlent patois entre eux. Vous allez bien évidemment nous faire le plaisir de nous dire quelques mots en patois ? Comment cavaille ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Comment ça va ? À neuf à Bravetin, ma faillam profressi. Aujourd'hui, il fait brave temps, mais il fait un peu froid. Brave temps. Il y a comme ça des expressions qui sont particulières à la région, comme par exemple finissez d'entrée. Vous pouvez m'expliquer ça ? Finissez d'entrée, il fait brave temps. Le mot finissez d'entrée, c'est lorsque les gens. Vous arriviez dans des maisons dans le temps à la campagne. En principe, les gens étaient accueillants. Et lorsque vous frappiez, ou même les gens étaient avertis que vous arriviez dans la cour, car au moins il y avait les chiens. Donc les chiens aboyaient. Il y a toujours eu des chiens à la campagne, au moins pour garder les bêtes. Et les animaux faisaient partie de la vie des paysans. Et lorsque vous arriviez dans une maison, les gens avaient le souci de vous accueillir chaleureusement. Donc lorsque vous étiez sur le seuil de la porte, qu'on vous ouvre la porte, que l'on ne vous connaît pas, que l'on vous dit bonjour, que vous expliquez le but de votre visite, où vous êtes tombé en panne, où vous êtes de passage, vous êtes un commerçant, le vétérinaire, quelque chose qui arrive, on vous disait « finissez d'entrer ». Finissez d'entrer dans la maison. Soyez le bienvenu. Dans le sud-ouest, le sport le plus populaire est sans hésitation le rugby. Suivant les régions, on prononce le nom de ce sport différemment. Nadine Foudrier a demandé à Michel si à Brive on disait rugby ou rugby. Chez nous, on dit rugby. Rugby, c'est plutôt beaucoup plus bas vers les régions de Narbonne, de Toulouse et tout ça. Mais à Brive, on dit rugby. Et c'est vrai que c'était un sport qui a pris énormément d'importance parce que c'est un sport spectacle. Et de par la région, le sud-ouest, ce rugby à Brive a été amené par les militaires. Car à Brive, il existe une caserne d'infanterie qui s'appelle le 126e. Et avant la guerre de 1914-18, lorsque ce régiment a cantonné à Brive, il a amené des joueurs de rugby qui avaient sûrement connu le rugby en Grande-Bretagne. Il correspond un peu au sud-ouest de la France, mais il n'arrive pas à s'implanter au nord parce que c'est un sport assez convivial, qui est dur. Donc il faut être dur au mal, donc les paysans sont habitués à vivre à la dure. Et le but du rugby, c'était surtout, après le match, se réunir entre joueurs, adversaires et faire la fête, ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Lorsqu'il y a un match des Cinq Nations, qu'est-ce qui se passe à Brive ? Mais pendant le match, il n'y a plus personne dans les rues, tout le monde est devant la télévision. À l'image du film « Le bonheur est dans le pré », la vie à Brive-la-Gaillarde est paisible. Ici, le mot « terroir » prend toute sa saveur. Écoutez Michel répondre à l'une des questions de Nadine Futrier et vous comprendrez pourquoi le charme corrézien est tellement apprécié. Si vous aviez une bonne raison de motiver tous les gens qui vont nous écouter, qui écoutent ce programme, pour qu'ils viennent visiter Brive, ce serait quelle raison ? Une seule raison, c'est de venir, de regarder, d'ouvrir les yeux et de goûter au bonheur simple des choses simples de l'existence.